L'ange gardien par Gustave Kahn. Raymond Bucard regardait pensivement son grand tableau. Son maître, l'académicien Chamboulard, lui avait dit le jour du vernissage « Cette tapée a donné la jaunisse à tous ces sacrés novateurs. » Mais Terrier, le critique d'avant-garde, avait imprimé « La Vierge de M. Bucard, cette blanchisseuse passée au cold cream, est le type même du mauvais travail d'école. » Perplexe, Raymond Bucard en appelait au public du dimanche. Face à son tableau, il avait résolu d'écouter les réflexions des visiteurs. Il ne réagissait pas devant sa Vierge à l'enfant. Elle ne leur donnait rien à penser. Il y avait une heure que Bucard était plongé dans ce désert moral, lorsqu'il vit s'avancer un gros homme sexagénaire à l'aspect de Bougnien enrichi. Celui-ci ne regarda même pas la toile, mais dès qu'il aperçut le peintre, il sembla extraordinairement intéressé. Évidemment, Bucard pensait ne pas offrir aux yeux une physionomie indifférente. Les traits réguliers, le teint olivâtre, la barbe fine, la cape doublée de rouge, le feutre un peu pointu en bataille, relevaient une pointe d'archaïsme, d'une tenue de rapin Second Empire, un physique avantageux. Mais il ne croyait pas mériter une attention si soutenue, et il allait le faire remarquer vertement au barbon, lorsque celui-ci s'avança d'un pas et, se découvrant, lui demanda « Ne vous appelleriez-vous pas Monsieur Bucard ?»« Certainement, Raymond Bucard, et voici mon tableau. Ah, vous êtes peintre aussi. Aussi, je ne suis que peintre. Ah, vous êtes peintre. Ah, très bien. C'est la Sainte Vierge. Il est à vendre, votre tableau ? Combien ? 5 000, jeta Bucard d'un coup de témérité. Je prends. Au fait, vous avez d'autres tableaux chez vous ? Je viendrai les voir. Donnez-moi votre carte. Voici la mienne. À bientôt, monsieur. » Et l'acheteur s'enfuit d'un pas de flâneur, sans plus regarder son tableau, ni les autres toiles, du pas d'un homme qui se promène dans la rue. Aussi Bucard ne crut-il à sa veine que lorsqu'il reçut la visite à son atelier de son amateur, qui lui paya comptant non seulement le tableau du salon, mais une demi-douzaine de toiles qu'il prit sans trop les regarder parmi les plus vastes et sans rien rabattre du prix fort qui lui était demandé. L'étonnement de Bucard fut plus vif encore lorsque, venant apporter cette cargaison de peinture chez son amateur, M. Rastug, il se trouva dans un appartement cossu mais dont une seule image peinte décorait les murs. C'était une enseigne due à un quelconque barbouilleur, à l'ange gardien. Un ange éployait ses ailes sur un berceau garni d'un bébé. Bucard, en apportant ses toiles, avait à exprimer un vœu, dicté par Madame Jeanne Bucard, jeune femme avisée et désireuse de retenir par des liens amicaux ce client extraordinaire et inattendu. « Monsieur Rastug, dit le peintre, « savez-vous ce que je voudrais vous offrir, et à titre purement amical, votre portrait ?»« Un vieux comme moi, » répondit Rastug. « Ce n'est pas amusant à peindre. Enfin, nous verrons, plus tard. À propos, je vais faire accrocher vos machines dans ma salle à manger, et vous y serez ainsi en payé de connaissance, quand vous y viendrez bientôt déjeuner. Si Madame Bucard veut bien me faire l'honneur, ce sera pour elle un plaisir. Voilà qui va des mieux. Pour le portrait, nous en reparlerons. » Madame Bucard était très intriguée. Cet achat considérable lui était une source de joie et aussi de méditation. Pas un instant, elle ne songeait à en faire honneur au talent de son mari. Gentil, aimable compagnon, guitariste amusant, tout ce qu'on veut, bon peintre jamais. Elle s'attarda un instant à des visions romanesques, et comme elle avait de la vertu et solide, elle se vit repoussant les présents entassés de l'amoureux Rastug. Puis elle écarta cette idée pour passer à des hypothèses d'un autre ordre. Elle se fit décrire très complètement Rastug. Elle songea à aller le visiter incognito, sous prétexte de quête pour une œuvre de bienfaisance. Elle hasarda un jour. « Ce Rastug, il ne te ressemble pas de figure ?» Bucard éclata de rire. « Alors non. » Rastug ne pouvait être pour rien de la naissance de son mari. « C'était peut-être un ami de ton père, monsieur Rastug ?»« Je n'en sais rien, » répondit le peintre. « J'étais encore en pension chez mes parents nourriciers quand mon père est mort. Mes souvenirs sont très restreints. » Madame Bucard se mit en campagne pour avoir des renseignements sur la mort du père de son mari. Le vieux brasier de l'Institut lui marmotta. « Pierre Bucard, on l'a trouvé mort, un matin, tout habillé, sur un divan. Il avait perdu sa femme et s'était mis à boire éperdument pour s'assommer. » Il passait des nuits dehors. On a diagnostiqué une congestion. Ah, je me souviens. On a un peu épilogué sur ce fait que lorsqu'on l'a trouvé gisant, la porte de sa petite maison était ouverte. Mais comme la mort était naturelle et qu'il ne manquait rien, on n'a pas cherché plus loin. Après cette conversation, il eut un point acquis pour Madame Bucard et regardant le nouveau mobilier de salon qu'elle s'était acheté de l'argent des toiles vendues, elle se demanda si elle allait le droit de laisser Bucard s'enrichir des mains de l'assassin de son père. « Dois-je tout lui dire ? Ah, ce misérable Rastug ! C'est peut-être une aumône qu'il nous jette, une obole, à côté de ce qu'il a volé à celui qui l'a tué. » Elle demanda un brûle-pourpoint à Bucard. « À propos, ton père était-il riche ? Pas le sou, répondit son mari. Le système s'effondrait. Pourtant, il y avait quelque chose. Elle saurait, et de Rastug lui-même. Si la conscience de cet homme était trouble, elle saurait bien y lire. Un tressaillement, une émotion passagère, suffirait à ses déductions. Le fait que Rastug ne lui avait pas encore été présenté ne la gênait pas. Elle se présenta donc chez Rastug, qui la reçut incontinent et la fit asseoir d'un air bienveillant et gracieux. Il avait bonne figure, réellement. Ce n'était point vraisemblable qu'il fût un assassin, songeait-elle. Il est vrai qu'il en est de si hypocrite. Monsieur Rastug, commença-t-elle, ma démarche va vous paraître singulière, mais vous l'excuserez. C'est ma tendresse pour mon mari qui me la dicte. Mon mari est très malheureux. Et pourquoi ? De votre fait. Allons donc. Vous avez été si large dans vos achats. Et j'achèterai encore. Vous aimez la peinture ? Oui, c'est un goût qui me vient. Il est très affecté de votre refus du portrait qu'il voudrait vous offrir. Oh, je ne veux pas lui faire perdre son temps. Alors il y a peut-être quelque chose que vous accepteriez de lui. Cela ne lui ferait point perdre de temps, et il aimerait vous le donner justement parce qu'il y tient beaucoup. Et c'est un des quelques tableaux qui ont été peints par son père. C'est grand, pas très. Eh bien, oui, oui, je le mettrai à côté de l'ange gardien. Vous avez connu le père de mon mari ? Eh oui, un peu. Il était votre client ? Monsieur Rastug blêmit un peu, ses yeux virèrent. Il venait à votre magasin ? Reprit-elle, insinuante. Acheter des couleurs, peut-être ? Eh non, j'avais un magasin de salaison. Ah, cher monsieur, si vous savez quelque chose sur le père de mon mari, vous le lui raconterez. Il serait si heureux qu'on lui en parlât. Vaudrait mieux pas. Pour qui ? Siffla doucement Malin Bucard. Rastug la regarda, interloquée. Elle était frémissante de curiosité, la bouche gourmande et l'œil sévère. La comprit-il ? Le fait est qu'il haussa légèrement les épaules, fit le tour de la pièce, se rassit et répondit simplement « Pour votre mari, cela ne lui ferait aucun plaisir. À vous, qui ne le lui répéterez probablement pas, voici ce que je peux vous dire. » Pierre Bucard, le père de votre mari, aimait finir ses soirées au hall. Il y buvait ferme et il aimait se compléter dans les caveaux où il y a un peu de tous les mondes. Même d'honnêtes garçons qui allaient, journée faite ou plutôt à la fin des jours de chômage, par métier. Moi, c'est un soir que je filais la comète. Je l'ai filée. Vous savez ce que c'est ? Non. Les miséreux, sans domicile, qui errent par la ville, aux nuits trop froides pour s'étendre sur un banc, ou d'ailleurs, les expulseraient les sergents de ville, on les blague en disant qu'ils filent la comète pour savoir où elle tombera. Or, un jour que je filais la comète, un camarade que j'avais rencontré, comme cela, à des soirs de ventre creux, me dit « Viens chez Niquet, il a besoin d'ange gardien. » On est nourri, les pourboires. J'y fus. Ah, votre enseigne. C'est un souvenir de mes périodes de malheur. J'ai été mauvaise tête, nomade, réclameur, gréviste de tempérament. Bref, j'acceptais. Les anges gardiens étaient des gars dans mon genre. Choisis, honnêtes et solides. Quand le client était trop mûr, pour rentrer seul à cause des flots d'apaches qui empoisonnaient le quartier, on le confiait à nos poings et on le rentrait. Donc j'ai souvent rentré, Monsieur Bucard, et je le quittais sur la porte. Il paraît que la nuit de sa mort, sa porte est restée ouverte. Possible qu'il ait oublié de la fermer, ou moi, ou qu'il l'ait rouverte. Bref, la dernière fois que je le reconduisis, il était très touché. Nous marchâmes à pied. Il tenait des discours insensés. Ah, souvent il me demandait de lui garder son portefeuille, et de le lui rapporter le lendemain matin. Nous étions de confiance. Or, ce jour où il est mort, je n'ai trouvé personne à qui remettre ce portefeuille. Pas de famille, là. un veuf, l'enfant en nourrice, ou tout comme. Il n'y avait pas le Pérou dedans, à peu près un billet de 1000. Et puis, je l'avoue, la chance m'a tenté. Je ne faisais de mal à personne, et je pouvais tenter une petite affaire. C'est quand je me suis enrichi que j'ai senti une espèce de remords. J'ai fait plusieurs charités, comme en son nom. Cela ne me suffisait pas. Et puis un jour, où je traînais par désœuvrement dans ce salon qui m'ennuyait, à voir votre mari, j'ai eu un éblouissement. Même tête, même nom, même métier. Alors je lui ai acheté toute sa toile peinte disponible. J'ai vécu comme un vieil ours. Je n'ai pas d'enfant. Vous vous en ressentirez fortement, belle madame. Seulement pour lui, je ne tiens pas à ce qu'il connaisse le point de départ. C'est pourquoi vous ne le lui direz pas. Et quand vous aurez un ennui, vous me considérez comme un vieil oncle. Ça va, topez-la. J'aime mieux vous embrasser. Il lui sauta au cou. C'était L'Ange gardien par Gustave Kahn.